Confucius rendait les honneurs. De Francis James. À Christian, cher fils. Confucius rendait les honneurs qui leur conviennent aux morts dans l'empire bleu du milieu. Il souriait parce que l'eau éteint le feu, comme la vie éteint l'homme vers l'époque moyenne. Il n'ornait pas ses paroles merveilleusement, comme certaines coupes des grands de l'empire. La tanche, qui est comme un vase de pagode riche, n'a pas besoin d'être ornée artistiquement. Il allait avec une grande modestie au palais, écoutant sans colère les joueurs de flûte qui adoucissent les sentiments comme la lune adoucit sur la montagne brûlée les arbres violets. Il parlait avec une respectueuse cérémonie aux principaux de la ville et aux chefs de la guerre. Il était bon, sans familiarité vulgaire, avec les gens du commun et mangeait leur riz. Il se plaisait aux choses de la musique, mais préférait les instruments de simples roseaux cueillis près des marais de vases douces et jaunes, où l'oiseau sans nom qui fait you-you se niche. Il se permettait, pour le bien de son estomac, les épices. Il aimait, vers le soir, à discuter de belles sentences, et il aurait voulu qu'on suspendît aux potences qui servent aux lanternes des moraleries. Il parlait peu d'amour, davantage de la mort, quoiqu'il déclarât que l'homme ne peut la connaître. Il aimait voir les jeunes gens à la fenêtre, les trouvant bien, à demi cachés par les ricins gris mais rouges. Le soir, il allumait des baguettes de parfum, puis tournait gravement un moulinet où les prières s'enlaçaient comme de belles pensées dans la cervelle d'un juriste consulte ou d'un poète de talent. Il allait aussi voir les bâtiments de la province, se réjouissant de leur propreté et du bon ton des navigateurs policés dont les réflexions étaient profondes et claires, comme le désert marin. À ceux lui demandant des choses sur la chair, Confucius dit « La vôtre est pareille à l'autre et la mienne à la vôtre. Le sens de ceci est clair. » Puis il regarda, en souriant, son cercueil. Abos, mars 1895. Fin du poème. Enregistré par Christiane Johann. Cet enregistrement fait partie du domaine public.